Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, les aventures du commissaire Marcel Guillaume. L'homme que l'histoire a presque oublié au profit de son double, qui lui n'a jamais réellement existé, le commissaire Jules Maigret, héros fictif et populaire des romans de Georges Simenon. Marcel Guillaume était le policier que la presse de l'entre-deux-guerres surnommait l'As de la PJ. Un flic craint, respecté, redouté de tout le milieu du grand banditisme, star du 36 quai des Orfèvres. De l'arrestation des criminels de la bande à Bonneau, à l'interrogatoire du tueur en série Landru, en passant par l'enquête sur l'assassinat du président Doumer et l'affaire Stavisky, excusez du peu, Guillaume a eu affronté et a élucidé toutes sortes de crimes, parmi ceux qui ont le plus défrayé la chronique judiciaire, ce qui lui vaudra d'être sollicité en 1945 pour intégrer le groupe d'enquête internationale sur la mort d'Adolf Hitler à Berlin. Adepte de méthodes d'interrogatoire novatrices, fin psychologue, il va devenir l'une des sources d'inspiration d'un jeune écrivain en devenir, un certain Georges Simenon. Sous sa plume, Marcel Guillaume se métamorphose en un flic qui répond au nom de Jules Maigret. Notre invité aujourd'hui, Laurent Joly, historien, directeur de recherche au CNRS. Il a présenté et annoté la dernière édition des mémoires du commissaire Guillaume, un ouvrage intitulé « Mes grandes enquêtes criminelles de la bande à Bonneau à l'affaire Stavisky » qui vient d'être réédité par les éditions Équateur. Affaires Sensibles est l'émission de France Inter en partenariat avec l'INA et avec Retro News, le site de presse de la BNF. Récit documentaire Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Maigret revient dans un nouveau film de Jean Delannoy, d'après le célèbre roman de Georges Simenon, L'affaire Saint-Fiacre. Ils sont beaux, les derniers Saint-Fiacre. Ils sont frais. Un ivrogne un peu escroc et une fille bigote qui s'en va des gigolos. Une affaire comme jamais Maigret n'en a connue au cours de sa carrière. Une affaire qui le bouleversera. Votre maman est morte ce matin à la première messe. Mais je peux vous assurer qu'elle n'a pas souffert. Pas souffert? Un accident en avant? Non. Pas un accident, un crime. Un crime que j'étais là pour empêcher. Qu'est-ce que vous racontez là? Vous êtes fou? Un crime extraordinaire commis par le plus étrange des assassins. Va-t-il pour la première fois mettre en échec le célèbre commissaire? Vous connaissez l'assassin, n'est-ce pas? Dieu le connaît. Dieu le connaît, mais Maigret le découvrira. Au printemps 1959, 2,5 millions de spectateurs se pressent dans les salles de cinéma à Paris et en province. À l'affiche, le deuxième épisode des aventures d'un policier pas comme les autres, un personnage qui fascine le grand public par son ton, disons, impérial, ses méthodes implacables et sa capacité à déterminer les mobiles les plus audacieux. Un individu confronté à des crimes tantôt diaboliques, tantôt mystérieux, voire parfois quasi parfaits. Cet homme, c'est le commissaire Maigret. Dans Maigret, l'affaire Saint-Fiacre, il est interprété par Jean Gabin dans ce film réalisé par Jean Delannoy sur un scénario de Michel Audiard. Anecdote qui en dit long sur l'intérêt du public. Ni Gabin, ni Delannoy, ni Audiard n'avaient prévu ni voulu tourner une suite. Mais face au succès du premier Maigret, face aussi à la demande des spectateurs et enfin à l'insistance des producteurs, la petite équipe s'est remise au travail. Tout cela sous le regard bienveillant et méticuleux d'un homme de 56 ans, portant de larges lunettes à la monture arrondie, fumant sa pipe à tabac et ne sortant jamais sans son grand imperméable gris. Lui, c'est le conseiller au dialogue du film. Lui, c'est Georges Simenon. L'intrigue de ce second volet tient en quelques lignes. Le célèbre commissaire retourne dans son village natal de Saint-Fiacre à l'invitation de la comtesse des Lieux. Celle-ci le prévient qu'elle a reçu une lettre anonyme lui annonçant qu'elle mourra le mercredi décembre. Une prophétie qui se révèle exacte. Dans ce huis clos à l'atmosphère étouffante, sorte de cluet d'eau sur fond d'histoire sordide, de secrets de famille et de vieilles rancœurs de province, le commissaire Maigret doit déployer tous ses talents. À l'écran, l'interprétation est parfaite. Jean Gabin est magistral. Avant lui, d'autres grands acteurs comme Pierre Renoir, Albert Préjean ou Michel Simon avaient déjà endossé le costume à bretelles de Maigret. Eux aussi s'étaient assis au bureau du célèbre flic, installé dans les étages du 36 quai des Orfèvres. Mais aucun d'eux, non, aucun d'eux n'avait réussi à faire de Maigret un héros aussi populaire. Il est 10h, la nuit enveloppe la tour pointue et le 36 quai des Orfèvres. Et justement, voici qu'un homme se prépare à pénétrer dans l'immeuble de la police judiciaire. Un homme qui regagne son bureau, le commissaire Maigret. À cette heure-ci, eh oui, c'est que cet homme n'est pas un homme comme les autres et son bureau n'est pas un bureau comme les autres. Alors, mesdames, vous pouvez être heureuses. Votre chéri est libre. Votre poussin vient de partir, il va pouvoir recommencer à tuer. Quoi ? Car il a déjà tué 4 fois, ça je le sais, vous aussi, vous le savez. Pensez pas sérieusement ce que vous dites, monsieur Maigret. C'est monstrueux, c'est grotesque, je me demande même... Vous avez à faire, vous ? Monsieur, c'est un con ! Alors taisez-vous ! Laquelle de vous deux, cette nuit, a tué une femme rue Jarente ? Laquelle de vous deux a commis un crime pareil au sien en espérant le sauver ? Laquelle ? Avant d'être une vedette de film et de connaître son heure de gloire au cinéma, le commissaire Maigret était avant tout le héros fictif d'une 60aine de romans policiers et de presque autant de nouvelles littéraires. Des ouvrages dans lesquels ce même Maigret, fort d'un flegme et d'une intuition débordante, parcourait la France pour y mener des enquêtes et y résoudre des crimes. Avec à chaque fois la même ambition, réussir à faire avouer le ou les coupables. Le père de ce policier au profil atypique pour l'époque, c'est un jeune écrivain belge jusqu'ici méconnu, Georges Simenon, celui-là même qui plus tard sera conseiller au dialogue sur les plateaux de cinéma. C'est sous la plume de Simenon, en effet, qu'apparaît en 1929, et ce pour la première fois, le personnage de Maigret. L'écrivain a alors tout juste 26 ans. Usant et abusant de multiples pseudonymes, il a déjà écrit plusieurs dizaines de contes et autant de petits romans. Une œuvre dont il n'est pas très fier d'ailleurs, et qu'il qualifiera lui-même de production littéraire sans envergure, quelconque et bon marché. C'est alors qu'une de ses relations, un jeune journaliste du nom de Joseph Kessel, lui demande une série de nouvelles pour sa revue détective. Simenon, qui a besoin d'argent et qui cherche aussi à se faire connaître, accepte bien volontiers. Lui qui couvre depuis plusieurs années l'actualité judiciaire et les faits divers dans la capitale comme jeune reporter, n'a aucun mal à écrire les premières lignes, puis les premières pages de ce qui s'intitulera plus tard « La maison de l'inquiétude » et qu'il publiera une fois encore sous un pseudonyme. Pour autant, il manque à Simenon un élément central pour que son scénario tienne la route. Un personnage qui soit à la fois le narrateur et la clé de voûte de tout son dispositif d'intrigue. C'est là que Simenon imagine pour la première fois les traits de ce policier du nom de Jules Maigret, comme il l'expliquera bien plus tard lors d'une entrevue à la RTF. Pourquoi est-ce que vous l'avez inventé, Maigret ? Comment est-ce que c'est venu ? Eh bien, au début, ce n'est pas du tout par passion, ni pour la recherche policière, ni pour la criminologie. Ça a été plutôt par faiblesse de technique, c'est-à-dire que j'étais incapable d'écrire un roman sans meneur de jeu, sans cœur antique, comme on dit en littérature, et j'ai trouvé qu'évidemment d'avoir un commissaire dans un roman permettait tout le temps d'intervenir, permettait de pénétrer dans telle ou telle maison, de questionner les gens, puis je n'en ai eu plus besoin, et j'ai abandonné Maigret pendant très longtemps d'ailleurs, je ne le reprends qu'une fois de temps en temps, plutôt par sentimentalité, mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis passionné moi-même, à ce moment-là, à la criminologie, oui. Pour elle-même, sans le faire pour Maigret, et maintenant je continue d'ailleurs à m'y passionner. Et alors, tout de même, Maigret était au départ un simple prétexte, ensuite il est devenu autre chose. Il était tout à fait un prétexte, je vous dis, je l'ai fait par faiblesse de technique littéraire. Les aventures du commissaire Maigret sont plutôt bien accueillies par les lecteurs de la revue Détective et par la critique. Joseph Kessel lui aurait alors commandé une suite, avec d'autres intrigues, d'autres personnages, et lui aurait aussi recommandé de signer cette fois avec son propre nom, plutôt que d'utiliser le pseudonyme de Georges Sim. Encouragé par cette première expérience, et puis Joseph Kessel tout de même, Simenon se lance alors dans les mois qui suivent à l'écriture de son premier manuscrit. Le tout premier tome des aventures de son super commissaire qu'aucun crime n'arrête, Maigret. Une histoire intitulée « P Pitre le Letton et que Simenon, intimidé, propose à la maison d'édition Fayard. L'histoire de commissaire Jules Maigret aurait pu s'arrêter là, sur ce manuscrit de 200 pages, et ne jamais poursuivre sa vie dans les librairies ni les salles de cinéma. Car voici ce que l'éditeur répond à Simenon après avoir lu son manuscrit. Écoutez, de ce que j'en ai lu, franchement, votre roman policier, monsieur Simenon, n'est pas un vrai roman policier. Il n'est pas scientifique, il ne joue pas la règle du jeu. Tenez, il n'y a pas d'amour. Tout du moins, d'amour qu'on le conçoit dans le roman policier. Enfin, il n'y a pas de personnage franchement sympathique ou de personnage franchement antipathique. Et puis votre histoire ne finit ni bien ni mal, que voulez-vous? De vous à moi, c'est désastreux. Vous n'aurez même pas 1000 lecteurs. Alors quoi? Le commissaire Maigret ne serait-il pas conforme à la réalité? Ses aventures seraient-elles à ce point en décalage avec le genre policier? Des années après, Simenon justifiera ses choix littéraires par la vision qu'il avait du flic et du rôle que celui-ci devait jouer dans la société. Pour vous, un policier, est-ce que c'est un homme entre les autres hommes? Est-ce que c'est un homme particulier, un homme qui a une vision du monde spéciale? Je crois qu'on perd souvent de vue que le rôle du policier n'est pas du tout de punir ni de juger. Peut-être a-t-on cette idée-là un petit peu à cause de Guignol, n'est-ce pas, et de la bataille entre le Guignol et le commissaire, ou le gendarme. Mais son rôle est avant tout de prévenir, c'est-à-dire que le rôle du policier est davantage d'empêcher les crimes que d'arrêter les criminels. L'arrêter des criminels vient ensuite, et il y a beaucoup plus de policiers travaillant à prévenir le crime dans les rues de Paris et partout que de policiers traquant criminels, heureusement d'ailleurs. Quel paradoxe tout de même, quand on sait que les aventures du commissaire Maigret vont connaître dès leur parution un incroyable succès. Mieux même, lorsque 20 ans plus tard, au début des années 50, Simenon évoquera l'idée d'arrêter d'écrire les aventures de son super commissaire, son éditeur d'alors, Gallimard, n'aura de cesse de tenter de le convaincre de continuer, et il lui réclamera d'autres histoires. À partir du mois de mai 31, les aventures du commissaire Maigret débarquent sur les étals des librairies, la maison d'édition Fayard ayant finalement accepté de publier Simenon, à la condition que celui-ci utilise son vrai nom d'auteur sur la couverture. Pitre le Letton, puis le Chartier de la Providence, ou encore le Chien jaune, ou la Nuit du Carrefour, chaque mois, Simenon produit une nouvelle aventure du commissaire Maigret. Des histoires dont la construction narrative privilégie toujours les rebondissements et les coups de théâtre. Les premiers épisodes révèlent déjà la méthode d'enquête du commissaire. Il s'immerge, il interroge, il contre-interroge, jusqu'à obtenir la vérité. Pas le genre à frapper un prévenu attaché au radiateur, mais souvent aidé par la chance, les premières enquêtes de Maigret sont déjà travaillées, très précises, très fouillées. Mais il manque encore quelque chose à Maigret pour être Maigret. Il lui manque un modèle. Or, parmi les nombreux lecteurs de cette première série d'aventures, il y a un vrai policier. Cet homme, c'est Xavier Guichard, chef de la sûreté et directeur de la police judiciaire, autrement dit le patron du 36 Quai des Orfèvres, lieu où travaille la brigade spéciale, l'ancêtre de la brigade criminelle. Guichard est un homme malin, un policier qui a du flair, du style et beaucoup de charisme. Et lorsqu'il lit les romans de Simenon, ce qui le choque en premier, c'est que le personnage de Maigret ne fait pas partie du 36. Non, dans les romans de Simenon, le héros est membre de ce qu'on appelle à l'époque la Brigade Mobile, l'unité concurrente de la PJ. Alors, prétextant vouloir aider Simenon à corriger quelques erreurs sur les procédures et les détails donnés dans ses livres, comme notamment le fait qu'un commissaire parisien n'a aucun droit ni aucun pouvoir en dehors de la capitale, Xavier Guichard va inviter l'auteur de Maigret à venir mettre les pieds au 36 Quai des Orfèvres. Je n'avais jamais mis les pieds à la PJ. J'étais passé devant le Quai des Orfèvres parce que j'adorais me promener le long de la Seine à Paris, mais je ne connaissais absolument rien. J'avais lu quelques ouvrages de police scientifique, mais je n'étais jamais allé à la PJ. Paraissent les premiers Maigret, et un jour je reçois une lettre charmante d'ailleurs de Xavier Guichard, celui qui a arrêté Bonneau, de la fameuse bande à Bonneau, qui était à ce moment-là chef de la sûreté, et qui m'écrit « Voulez-vous venir me voir ?» Et Guichard ouvre à Simenon toutes les portes. Il le balade partout. Il lui permet d'assister à des réunions d'enquête. Il lui fait rencontrer les grands flics de l'époque, comme le commissaire Massu. Et surtout, on y vient, le commissaire Marcel Guillaume. L'homme que la presse surnomme alors l'as de la Pugie, le policier responsable de l'arrestation des tueurs de la bande à Bonneau donc, ou de Landru, premier tueur en série français, 11 femmes assassinées pendant la Première Guerre mondiale. Dès le début, Simenon est impressionné. Comme la totalité des journalistes de la capitale, l'écrivain admire le talent du commissaire pour faire avouer les suspects. C'est en effet l'une des particularités de Marcel Guillaume. Le commissaire trouve toujours la faille psychologique de ses suspects. Puis il l'exploite avant à chaque fois de parvenir à obtenir des aveux. C'est d'ailleurs en grande partie par cette rencontre, leur série d'échanges et l'amitié qui va se nouer entre les deux hommes, que Simenon va commencer à adapter et adopter la manière de faire de Guillaume dans les aventures de son Maigret. Il va s'inspirer de son look, notamment. Exception faite de la pipe à tabac, que Maigret, lui, ne quittera jamais. Autre changement, les intrigues des Maigret se noueront et se démêleront désormais dans les dialogues. Et pendant les interrogatoires des suspects, là où Simenon va tenter de faire à Maigret mieux que son illustre modèle, Marcel Guillaume. L'opération séduction de Xavier Guichard auprès du jeune romancier Simenon porte donc ses fruits. Suite à cette visite, Maigret sera dès lors membre de la PJ et il aura son bureau dans les derniers étages du bâtiment du 36 quai des Orfèvres, le fameux bureau 315. Et Simenon lui-même reconnaîtra que les rencontres qu'il a faites ce jour-là ont été déterminantes. Alors qui est Maigret, Georges Simenon ? Eh bien, écoutez, c'est assez difficile à vous répondre, n'est-ce pas, parce que... C'est un peu Massu, c'est un peu... C'est un peu Massu, c'est un peu Guillaume, c'est un peu Guichard, c'est un peu Badin, c'est un peu, je dirais bien, tous les commissaires. Il y en a même à Tokyo, on m'a signalé qu'il y avait un type que ses collègues appellent Maigret, n'est-ce pas, je ne le connais d'ailleurs pas, ce n'est pas d'après lui que j'ai écrit. Seulement, en réalité, je dirais bien que Maigret a beaucoup changé et change selon les lecteurs, pour ainsi dire. 3 ans plus tard, c'est par une matinée glaciale du mois de janvier 1934 que le chemin du commissaire de police et du jeune romancier se croise de nouveau. Leur rencontre a lieu une nouvelle fois au 36 quai des Orfèvres. Simenon vient réaliser un reportage sur les coulisses de la PJ pour le compte du journal Paris Soir. Il est aux environs de 5 heures du matin lorsque l'écrivain reporter entre dans l'enceinte du bâtiment. Escorté par 2 policiers, il se dirige vers le bureau du commissaire Guillaume. L'heure de leur rendez-vous n'a pas été fixée par hasard. Non, Guillaume veut montrer à Simenon sa technique d'interrogatoire, un exercice dans lequel le policier passait maître, et que beaucoup de ses collègues surnomment d'ailleurs l'interrogatoire à la chansonnette. Simenon entre par une porte dérobée dans le bureau du commissaire Guillaume. Il s'assoit sur une petite chaise, dans un coin du bureau, à l'opposé de la table de Guillaume, et surtout hors du champ de vision de son suspect. Ce dernier est là depuis une demi-heure environ. Il n'a pas vraiment dormi. En face, le flic déroule. Le bureau est banal, comme celui du chef, écrit Simenon. Il y a une glace grisâtre sur la cheminée. Le commissaire Guillaume est assis dans un fauteuil et d'autres messieurs sont assis ou debout autour de lui. On a beaucoup fumé. La fumée des pipes et des cigarettes stagne à hauteur de l'abat-jour. En face du commissaire, un individu d'une trentaine d'années, suspect dans une affaire de meurtre, un certain Charles Mestorino, petit diamantaire parisien. C'est lui que le commissaire Guillaume suspecte d'avoir assassiné un courtier envers lequel il avait une dette. Les faits sont sordides. La victime a été retrouvée dans un fossé de Seine-et-Marne, la tête fracassée, le corps à moitié carbonisé. Aucun indice ne relie Mestorino au crime, excepté le mobile, ce qui n'est pas rien, évidemment. « Je vous ai dérangé pour élucider 2 ou 3 points de détail », lance Guillaume avec un sourire. La chaise de Mestorino craque, elle ne semble pas très solide, alors le suspect rougit. « Oh, faites pas attention, cette chaise est un peu mal en point », s'excuse le commissaire. Oubliant alors de préciser qu'il s'agit de sa chaise fétiche. L'un des pieds était cassé et réparé avec de la ficelle. Ses craquements répétés et son instabilité, précise Guillaume, viennent briser, figurez-vous, la confiance des suspects. La première question du policier est simple, naturelle, innocente, atone. Le courtier s'est présenté chez vous à 10h avec une traite de 30 000 francs. Vous l'avez payé. Celui qui l'a tué a volé cet argent et pour le retrouver, nous avons besoin de détails. Ainsi, les 30 000 francs étaient-ils en billets neufs? Le suspect dit ne pas souvenir. Bien. Nouvelle question sans intérêt. Mais Storino ne comprend pas. Si Menon raconte l'ambiance qui régnait dans la pièce et la stratégie, justement, du commissaire Guillaume. Guillaume a commencé l'interrogatoire. Pendant une heure, Nestorino se dit, c'est juste car on l'a fait venir comme témoin. Se dit, c'est comme témoin, on a juste deux, trois petites questions à vous poser. Au fait, est-ce que avant-hier, à telle heure, vous étiez bien à tel endroit? Bon, ah oui, bien entendu d'ailleurs. Oui, et de fil en aiguille, vous ne risquez rien, vous savez, vous risquez juste une amende pour avoir menti avant-hier. Et de fil en aiguille, on l'a eu, mais ça a duré 27 heures. À chaque heure, un autre policier arrivait et disait, mais je vois pas du tout pourquoi le patron me fait venir, qu'est-ce que c'est votre dossier? Vous êtes là pourquoi, vous? Vous, Mestorino. Qu'est-ce que c'est Mestorino? Ah oui, il paraît qu'il faut que je vous demande si avant-hier vous étiez bien à tel endroit à telle heure. Vous savez, quand on arrive à la 25e heure de ce régime-là, c'est ça la vraie brutalité policière. C'est pas une brutalité physique. C'est peut-être d'ailleurs beaucoup plus cruel encore que la brutalité physique. À la 25e heure, comme dirait Virgile Giorgio, Georges Simenon n'en perd pas une miette. Il observe les talents de comédien du commissaire Guillaume. Prêchant le faux pour connaître le vrai, c'est le béaba. Mais encore faut-il savoir le faire. Jouant aussi les policiers naïfs et complaisants, il porte alors l'estocade et oblige son interlocuteur à parler, à avouer. Sous la plume de Simenon, c'est cette technique d'interrogatoire que l'on retrouvera par la suite dans toutes les enquêtes du commissaire Maigret, où désormais le cœur de l'intrigue ne sera plus l'enquête, mais bien le face-à-face entre le policier et son suspect. Au mois de janvier 1937, dans un entretien accordé au magazine L'Œuvre, Simenon confirmera que c'est sans aucun doute Guillaume qui lui a servi de modèle pour son personnage. « C'est lui, Maigret », explique-t-il. « Oui, un Maigret en chair et en os, un Maigret grognon et sensible, têtu comme une mule, tellement têtu qu'il s'est toujours obstiné à fumer la cigarette sans comprendre qu'il me gâchait mon personnage, qui lui a toujours une pipe entre les dents. » Expliquant au passage avoir aussi beaucoup utilisé les techniques d'un autre commissaire, du nom de Massu, et même d'un troisième inspecteur, du nom de Février, qu'il rebaptisera Janvier dans ses romans, d'une sorte de syncrétisme policier dont il parlait tout à l'heure dans ce récit. My funny Valentine, sweet comic Valentine. You make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite. Work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Each day is Valentine's Day. Il m'arrive très très souvent de recevoir des protestations parce que Maigret a dit telle ou telle chose à sa femme ou parce qu'il a fait un interrogatoire de telle ou telle manière. Je reçois de très nombreuses lettres et il y en a même qui sont envoyées à monsieur le commissaire Maigret et mon adresse. Et la semaine dernière, il y en a une qui m'est arrivée par le quai des Orfèvres. On m'avait carrément envoyé au quai des Orfèvres. Donc Maigret existe quand même. Mais dans l'esprit du public, oui, et je vous dis, il existe tellement qu'il m'a échappé. C'est moi maintenant qui suis obligé de me conformer au caractère qui a été formé petit à petit, d'abord d'après le Maigret initial, puis peu à peu dans l'esprit des lecteurs, et qui est devenu indépendant de ma volonté et de moi-même. Ainsi parle Simenon. Le 1er février 1937, le commissaire divisionnaire Marcel Guillaume prend sa retraite contraint et forcé, à vrai dire, car il vient d'atteindre l'âge limite de 55 ans. Dans la presse parisienne, les articles à son sujet sont tous élogieux, impressionnants même. Le commissaire Guillaume est alors considéré par l'ensemble des journalistes comme le meilleur enquêteur de toute l'histoire de la police judiciaire. Carrément. L'homme dont tous les criminels de France avaient une peur bleue s'en va. Ces derniers vont pouvoir enfin dormir tranquille, ironisera un journaliste de l'Excelsior. Lors de son pot de départ, dans les bureaux de la brigade spéciale, parmi les invités de marque ce jour-là, on trouve l'un des amis du commissaire, le romancier Georges Simenon, père d'un autre flic donc, Maigret. Les seuls mots de Guillaume à l'Assemblée sont les suivants. Ils sont fous. À 55 ans, nous avons tout juste appris notre métier, et c'est alors qu'on nous met dehors. Mais quel gâchis. Dans les semaines qui suivent, Guillaume ouvre une agence de détective privé rue Bergère à Paris. Et surtout, il passe un contrat avec le journal Paris Soir pour y publier ses mémoires de policier sous forme d'un feuilleton quotidien. Un total de 48 articles publiés de février à avril 1937 et qui resteront le seul témoignage de ces années à la PJ. Et c'est là, sans doute, l'une des raisons qui explique pourquoi Marcel Guillaume disparaîtra par la suite des mémoires collectives, après la guerre. Le policier ne laisse en effet derrière lui aucun autre témoignage de ses années à la crime. Aucun livre, aucun film, rien. Tout l'inverse de l'homme qui s'est inspiré de sa carrière, Simenon, qui lui s'est accaparé de l'histoire vraie, la vie et les techniques d'enquête des commissaires dans plus d'une quinzaine de livres, et plus tard autant de films, pour créer un personnage que beaucoup considèrent comme un héros et en oublient qu'il est fictif, Jules Maigret. La lecture du feuilleton de Paris Soir nous en apprend beaucoup sur la vie du superflic Guillaume. On comprend mieux pourquoi également le choix de Simenon s'est porté sur lui et pas sur un autre. Certes, les deux hommes n'ont aucune ressemblance physique. Guillaume est grand et lancé, il a une large moustache, Maigret lui est large, il a les épaules carrées, il est moins athlétique et plus bougon. Mais comme Guillaume, Maigret a des origines modestes. Comme lui, il a dû gravir seul, à l'un, tous les échelons de la police, commençant par simple enquêteur de quartier, pour devenir à la fin commissaire. Comme Guillaume enfin, Maigret utilise son flair et son flegme pour aller au bout de ses enquêtes. Là où, encore une fois, les deux hommes se ressemblent, c'est sur l'emploi des armes et de la violence. En vérité, le don emploi. Tant Guillaume que Maigret tentent de se tenir à l'écart des coups de poing et autres coups de feu. Pas de genre. Jamais ils n'ont pas de moyens coercitifs pour l'interrogatoire. Et là, vous trichez un peu, car vous savez bien qu'il y en a eu. Oui, mais pas tous. Je vous dirais, par exemple, j'ai bien connu Guillaume. Eh bien, je ne crois pas. Je ne l'ai évidemment pas vu tous les jours, je ne peux pas répondre absolument pour lui, mais je ne crois pas que Guillaume jamais se soit servi de brutalité. Et je ne pense pas non plus que Marcel l'ait fait. La ressemblance entre les deux hommes est telle que Simenon en joue parfois face aux journalistes, en expliquant notamment que Guillaume n'est autre que le frère aîné de Maigret. Ou que Maigret, c'est Guillaume, mais en moins grand, en moins beau, en plus gros. Parmi les épisodes les plus marquants que raconte Guillaume au lecteur, il y a ceux consacrés à l'une de ses premières grandes affaires, la bande à Bono. C'est le moment, le seul peut-être, à propos duquel Guillaume admet être passé au plus près de la mort. C'était donc lors de l'affaire Bono, raconte-t-il. Alors que nous cherchions à arrêter l'un de ses complices, De Boé, condamné aux assises à 10 ans de travaux forcés, l'inspecteur Nessens et moi, nous l'apercevons, place Clichy. Nessens, le premier se jette sur lui. Les deux hommes relateurs. Je dégage mon collègue et je me retourne sur debout, revolver en main. Oh les mains où je tire. Puis je le maîtrise, le fouille. Et nous trouvons dans ses poches 3 revolvers et 7 chargeurs. Preuve qu'il voulait défendre chèrement sa peau. Preuve que tuer un flic ne lui faisait pas peur. Quelques jours plus tard, Guillaume revient sur l'affaire Violette Nozière, la jeune femme de 18 ans qui a empoisonné ses parents. Une histoire qui va choquer l'opinion. Là encore, il témoigne. Je revois devant moi son visage maigre et blême, ses cheveux bouclés sous le béret noir, ses gestes fiévreux pour ajuster son manteau au col de renard sombre. Et je persiste à croire que son procès dépassait singulièrement sa misérable personnalité. Et qu'il était aussi celui de toute une génération à qui il a manqué le goût des vertus les plus simples, les plus élémentaires, chez qui l'égoïsme a oblitéré le sens de l'honneur et qui s'est délivré comme d'un inutile fardeau du poids de sa conscience. Vient enfin le tour des anecdotes et des confidences sur l'affaire du premier tueur en série parisien, Henri-Désiré Landru. Le commissaire Guillaume raconte la traque de cet homme sans scrupules qui assassinait des femmes pour les plaisirs d'entrepercevoir leurs souffrances ou en tout cas de les imaginer souffrir. Il témoigne aussi d'autres célèbres affaires comme celle de l'assassinat du président Paul Doumer ou encore le dossier Stavisky. Des enquêtes où Guillaume a réussi à confondre les coupables et les faire avouer. Oui, il est incontestablement le meilleur policier de France. Mais aussi flatteur qu'il soit, ce statut ne suffit pas à faire de vous un héros, et encore moins à faire entrer votre nom dans les livres d'histoire. Retiré en Normandie lors de la Deuxième Guerre mondiale, le commissaire Guillaume fait un bref retour aux affaires à l'été 45, lorsqu'il intègre le groupe d'enquête international en charge d'élucider la mort d'Adolf Hitler à Berlin. De cet épisode méconnu et peu couvert par les actualités de l'époque, il ne reste rien. Marcel Guillaume, lui, n'en a jamais parlé. Il n'a jamais voulu partager quoi que ce soit sur ce point. Mais avait-il vraiment quelque chose à dire? Il faut attendre l'année 2005, soit plus de 70 ans après, pour que ses mémoires soient enfin publiées dans un livre. Marcel Guillaume s'est éteint au mois de février 1963, à Bayeux, dans le Calvados, à l'âge de 90 ans. Ses obsèques sont célébrées dans la plus stricte intimité. La presse de l'époque n'en parle quasiment pas, même pas les quotidiens régionaux. Parmi les rares réactions à l'époque, celle de Georges Simenon, tout de même. Pour moi, ce n'est pas seulement un ami qui s'en va, mais le frère aidé de Maigret et qui vient de l'abandonner. Quant à Maigret, malgré la mort de son modèle, ses aventures fictives vont continuer jusqu'en 1972. Adapté et réadapté au cinéma, puis à la télé pendant plus d'un demi-siècle, d'abord par le comédien Jean Richard, puis par l'acteur Bruno Kremer, le personnage de ce commissaire hors du commun va créer sa propre mémoire et s'insérer dans l'histoire culturelle du pays au point de faire oublier son mentor. Encore une illustration du joyeux compagnonnage entre la fiction et le réel. À 5 heures j'étais sorti, mon père venait me chercher. On voyait Gary Cooper qui défendait le primaire. C'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye. S'en va boire un café, un vieux pleure dans un coin, son cinéma est fermé. C'était la dernière séquence, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le commissaire Marcel Guillaume, personnage réel qui a inspiré le commissaire Maigret, personnage fictif. Bonjour Laurent Joly. M'entendez-vous, Laurent Joly? Bonjour Fabrice Drouel. Bonjour. Historien, Historien, directeur de recherche au CNRS, vous avez présenté et annoté la dernière édition des mémoires du commissaire Guillaume dans un livre intitulé « Mes grandes enquêtes criminelles de la bande à Bono à l'affaire Stavisky », un livre qui vient d'être réédité par les éditions Équateur. Alors vous le dites vous-même, dans votre préface, à part les archives de la préfecture de police, la seule chose dont on dispose en fait, ce sont des extraits de Paris Soir, des articles qui constituent les mémoires de Guillaume. 70 ans après, vous avez donc fait revivre ce commissaire dans votre livre qui reprend l'intégralité des articles. Voilà, voilà pour le contexte, voilà pour ce qu'on a à lire. D'abord, pourquoi ce choix du commissaire Marcel Guillaume ? Bah, c'est un peu le hasard. Moi, je fais depuis des années des recherches dans les archives de la préfecture de police de Paris. Et un jour, je tombe sur un dossier dans lequel il y a des vieux articles de journaux, des extraits. Et je me rends compte que c'est l'intégralité des mémoires de ce grand flic que je connaissais vaguement. Je connaissais un petit peu le chef de la brigade spéciale des années 30 à Paris, 36 quai des Orfèvres, et donc il avait publié en 37, juste après sa retraite, ses mémoires. Et donc je lis ça, je trouve ça absolument passionnant, parce qu'il raconte toute sa carrière. Ça commence avec la bande à Bono, ça finit avec l'affaire Stavisky. Donc il y avait comme ça 20 années d'histoire criminelle de la France qui était racontée, en plus avec une plume haletante, un personnage très sympathique, et je m'informe sur lui, et puis je découvre très rapidement qu'il a été le principal inspirateur de Maigret. Donc je m'étais dit à l'époque, il faut absolument sortir ça en livre. Donc on avait fait une première édition en 2005, puis après il y en a eu une autre, et entre-temps j'ai retrouvé son dossier de carrière d'ailleurs, qui est aux archives de la préfecture de police de Paris. Qui vous a permis d'étoffer le deuxième livre ? Qui m'a permis de faire la préface, de comprendre sa carrière, de comprendre comment il est rentré dans la police, de voir d'ailleurs qu'il y avait des petites distorsions entre ce que lui raconte dans ses souvenirs et la réalité, mais ça c'est toujours le cas. Et oui, de donner encore davantage chair à ce grand policier qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est vraiment tombé dans l'oubli. On a l'impression que la Deuxième Guerre mondiale a été un tel séisme dans l'histoire de France que des personnalités qui paraissaient être des grandes célébrités, sont totalement tombées dans l'oubli. Et c'est vrai que plus personne ne sait qui est le commissaire Guillaume. Sauf aujourd'hui et ceux qui nous écoutent. Qu'avez-vous découvert qui vous a vraiment... Oui, et sinon, qui s'en est inspiré. Oui, bien sûr. Qu'avez-vous découvert à travers la carrière de Guillaume qui vous a particulièrement fasciné, peut-être un ou deux points plus que les autres ? Bah, il y a d'abord, c'est l'affaire de la bande à Bono, parce qu'il est à l'époque, alors elle est un peu à part dans ce qu'il raconte, parce que ce qu'il raconte dans ses souvenirs, c'est essentiellement l'époque où il est commissaire à la tête de ce qu'on appelle la brigade spéciale, la brigade criminelle, donc 36 quai des Orfèvres. Et il raconte quand même, avant ces années 30, il raconte l'affaire de la bande à Bono, où là, il est que simple inspecteur, mais il est vraiment sur le terrain. Donc, c'est lui qui va traquer cette bande, donc des gangsters, qui, pour l'essentiel, sont anarchistes. Donc, il va dans les milieux anarchistes, il fait des enquêtes, des perquisitions. Il est aussi de mèche avec l'un des indicateurs qui va vraiment lui donner le lieu où Bono se cache. Et donc, il va participer au célèbre fusillade de Choisy-le-Roi, où on va réussir à abattre Bono. Mmh. La fusillade aussi de Nogent-sur-Marne, où il est vraiment en première loge, hein, il manque vraiment de prendre une balle. Où là, ce sont les derniers chefs de la bande qui sont également abattus après une fusillade spectaculaire. Donc il a vraiment été au cœur de cette enquête et il est un témoin privilégié, et ce qu'il raconte est aujourd'hui considéré comme un document important. Donc ça, c'est une affaire qui l'a particulièrement marqué. Et là-dessus, pardon, mais cette affaire, c'est vraiment l'époque où il a été... Cette affaire-là, pardon de vous couper, mais cette affaire-là, l'affaire la bande à Bono a traumatisé la France. C'était pas des petits gangsters, c'était, on en parlait tout le temps, c'était vraiment prégnant. Oui, puis c'était extrêmement nouveau. Faut imaginer l'effet de saisissement qu'ont ressenti les Français et les Françaises à l'époque. Pour la première fois, on avait une bande criminelle qui était mobile, donc qui fonctionnait avec des automobiles rapides, donc qui passait d'un département à l'autre très rapidement. Et la police telle qu'elle était organisée à l'époque était pas. Alors il y avait déjà une brigade mobile, mais ils ont été vraiment pris de court. Et donc c'était en plus des cambriolages qui étaient ponctués d'assassinats, des revendications anarchistes. Donc tout ça a vraiment marqué la population. Et après, il y a eu les crimes, et puis il y a eu la pourchasse qui a duré plusieurs semaines et qui a vraiment été un feuilleton haletant. Donc ça a vraiment marqué plusieurs mois. Ça a duré 6 mois, hein, l'affaire de la bande à Bono. Alors il a dû après statuer sur une autre affaire qui n'a rien à voir, Violette Nozière, parce que là on est dans l'intime d'une femme, et Violette Nozière. Alors merci à Chabrol qui l'a fait connaître avec Isabelle Huppert, je crois. Mais c'était aussi une grande affaire, mais vraiment une affaire différente. Alors c'est une affaire différente où là on voit la personnalité très très humaine et très attachante de Guillaume, parce que le commissaire Guillaume, lorsqu'il interroge, alors il n'a pas vraiment le droit de l'interroger parce que le mandat d'amener a déjà été délivré, donc il doit la laisser au juge. Mais avant de la laisser au juge d'instruction, elle a tout de suite avoué dès qu'elle a été arrêtée, donc elle a avoué le parricide. Et elle n'avoue pas devant Guillaume le fait d'avoir voulu tuer sa mère. Et elle raconte pourquoi elle a voulu tuer son père. Elle raconte qu'elle a été violée. Et Guillaume la croit. Et il est le seul, à l'époque, cette défense-là, une jeune fille qui a été violée par son père, c'est inaudible. Mmh. Et d'ailleurs, au moment du procès, on ne la croit pas. Et Guillaume, d'ailleurs, voulait aller témoigner en sa faveur pour dire, moi, je sais qu'elle était sincère quand elle m'a dit qu'elle a été violée par son père, qu'elle était abusée par son père, et donc elle mériterait des circonstances atteignantes. Donc on voit là une personnalité extrêmement extrêmement fine qui sent quand les gens lui disent ou pas la vérité, et qui peut aller à rebours de la pensée dominante de son époque. Il l'est sur ce point-là, il l'est aussi sur la peine de mort. C'est l'un des rares policiers qui est opposé à la peine de mort, il considère que c'est à la fois inutile et cruel. Donc voilà, on a affaire à quelqu'un qui était assez particulier. Alors au-delà de la déontologie qu'il respecte, on peut dire qu'il y a une certaine noblesse dans l'exercice du métier de policier à travers Guillaume. Oui, tout à fait. Lui se faisait une très très haute idée du métier. C'était vraiment sa vocation. C'est quelqu'un qui vient pas d'un milieu très favorisé. Ses parents sont commerçants. Et il a un bagage scolaire qui est limité au certificat d'études. Donc normalement, même à l'époque, il n'aurait pas pu devenir commissaire de police de ce niveau-là. Il fallait avoir fait le bac déjà à l'époque, hein, déjà avoir fait le bac, passer une licence de droit. Donc lui, il a vraiment commencé sur le tas, en écrivant naïvement au préfet Lépine. Et comment je sur le tas. Il y a, je voudrais quand même prévenir les auditeurs, un tout petit décalage de communication. Hein, c'est normal, c'est pas grave. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a quelquefois une ou deux secondes de latence. Je vous laisse reprendre. Oui, donc j'expliquais que en 1895, il a 23 ans, il écrit naïvement au préfet Lépine en espérant être recruté comme secrétaire de commissariat. Et on lui explique, ben non, il faut passer un concours. Et donc, bon, ben, il laisse un petit peu tomber. Il réécrit l'année d'après en se faisant recommander par son député. Donc, vous voyez qu'il fait tout. Ça marche pas non plus. Et il a la chance de rencontrer une jeune fille. Alors, à l'époque, il est commis d'épicerie. Donc voilà, il a vraiment un petit métier. Mais il est très sympathique. Et il rencontre une jeune fille qui est la fille d'un commissaire de police du quartier. Et donc, comme ça, il va réussir à être pistonné, quoi, avoir une recommandation. Et il va rentrer comme inspecteur stagiaire et il va passer une capacité en droit et il va réussir le concours de secrétaire de commissariat qui va lui permettre ensuite de passer le concours de commissaire de police. Donc c'est quelqu'un qui est arrivé sur le tas avec déjà une expérience de la vie. Vous voyez, à partir de 30 ans, il est policier et il est commissaire à 42 ans. Donc, vous voyez, c'est relativement tardif et il va se retrouver promu aux plus hautes fonctions à presque 60 ans. Donc, vous voyez que c'est une carrière assez atypique, même si à l'époque, effectivement, on pouvait devenir comme ça commissaire divisionnaire sur le tas, mais il y avait déjà cette police technique avec des gens très formés et ce qu'incarnait Guillaume était déjà, et ce qui va fasciner le Simenon, ce policier à l'ancienne qui a appris le métier sur le tas, c'était déjà presque passé de mode à l'époque. Donc vous voyez, il est déjà en décalage avec son époque, oui. Le commissaire Guillaume dans les années 30. Laurent Joly, beau CV que vous avez retracé. On se retrouve dans deux minutes, le temps d'écouter Junior, Souda. À la mare, j'en continuerai. Chacun pour soi. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Si les auditeurs prennent cette émission en cours, j'imagine que les aventures du commissaire Guillaume ne leur disent rien, presque, mais les aventures du commissaire Maigret leur parlent, évidemment. Alors, Maigret est la représentation fictive d'un vrai commissaire dont nous parlons. Donc, Marcel Guillaume, Laurent Joly, on sait à quel point Maigret était admiratif de Guillaume, mais est-ce qu'il y a quand même des différences entre le vrai commissaire et son double de fiction? Alors il y a bien sûr la pipe, mais Simon le signalait tout à l'heure. Sur le plan du caractère, ils sont assez proches. Après, la grande différence, c'est que Simon a inventé un commissaire qui a une vie privée extrêmement rangée. On voit jamais sa femme. C'est quelqu'un. Alors que le commissaire Guillaume était une personnalité beaucoup plus flamboyante, qui avait une maîtresse, qui était très guilleret, moins taciturne, moins coincé que le commissaire Maigret. Oui, on peut dire moins coincé. Le concept de prévention dont voilà. Parlait Simenon, moi c'est intéressant. Selon Simenon, la police est surtout là pour prévenir le crime. Enfin, selon Guillaume, pardon, mais que rapporte Simenon, hein, la police est surtout là pour prévenir le crime. Alors, peut-être une vision idéalisée, à moins qu'elle ne soit juste. À vous de me le dire. Guillaume, c'est ça qui est assez frappant pour quelqu'un qui est arrivé à ce niveau-là, était assez candide. C'est quelqu'un qui avait des conceptions assez basiques, on va dire, de la morale, du bien, du mal. Et c'était sa force aussi, c'est-à-dire que voilà, il considérait qu'il fallait protéger la société, et donc il était dans un état d'esprit où l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de crime, il faut prévenir et sanctionner à bon escient. Et c'est vrai qu'il ramène, c'est assez frappant quand on lit ses mémoires, il ramène la plupart des crimes sur lesquels il a travaillé à des désordres d'ordre moraux, la corruption, l'argent, et que si on donnait une bonne éducation aux jeunes, ils deviendraient pas des dévoyés. Donc vous voyez, c'est il revient toujours sur ces éléments de base qui sont l'éducation, la famille, c'était ça le commissaire Guillaume. Bien, une toute dernière question, il reste 50 secondes, je vous dis ça parce qu'il y a un petit décalage de temps. Vous avez des petits préférés, vous, chez les Maigret? Quels sont les épisodes qui vous paraissent les meilleurs et qui parlent peut-être le mieux de Guillaume en fonction de ce que vous avez lu de Guillaume? Moi j'aime un certain nombre de Maigret. Alors je peux pas vous citer de titres. J'aime pas tellement les tout premiers, mais ceux effectivement qu'il va faire au milieu des années 30 et puis après la guerre, il y a une mise en place qui est toujours à peu près la même et qui est toujours très réussie. Les premiers Maigret manquaient un peu de ils sont plus efficaces, manquent un peu de chair. Très bien. Mon goût. Laurent Joly, merci. C'était la dernière question. Ce sera le mot de la fin. Merci. C'est en moi tout qui cas. Vous remercie. Merci. Et moi pour les éclairages que vous allez apporter. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le commissaire Guillaume. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ronan Mahé. Merci à Juliette Colomba également pour sa collaboration au montage de cette émission Enquête et Rédaction.